Gorillaz, nouvel album Cracker Island. Le quatuor virtuel mené par Damon Albarn s'entoure de featuring d'exception sur un 8e album exaltant et optimiste. Gorillaz, nouvel album disponible dès maintenant. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, voyage au cœur de l'identité italienne à travers un homme qui l'incarne, Gianni Agnelli. Il est l'une des figures majeures de la deuxième moitié du XXe siècle dans son pays. Connu aussi par son surnom qui ne le quittera jamais, l'avocato, l'avocat, bien qu'il n'ait jamais pratiqué ce métier de près ni de loin. Il n'a pas non plus embrassé une carrière d'homme politique, mais il a fortement influencé la vie de la péninsule durant des décennies, à la tête du joyau de son industrie, la Fiat. Il est aussi l'incarnation vivante de l'un des clubs de football les plus prestigieux du monde, la Juve, la Juventus de Turin, comme disent les Français, ou pire encore, la Juventus. Patron des patrons, personnage le plus prestigieux de l'économie italienne, cultivé, glamour, doté d'un sens de l'humour et d'un style ravageur, imité jusque dans ses moindres manies, consulté comme un oracle par la presse du monde entier, n'en jetez plus, et pourtant. Turinois, italien, européen, citoyen du monde, l'avocato était tout cela à la fois. Pendant un demi-siècle, ce tout-puissant président de Fiat, mort il y a tout juste 20 ans, a incarné le rêve italien dans sa part d'ombre comme dans sa part de lumière, la Dolce Vita, l'immense héritage culturel de ce pays, le cinéma, mais aussi le terrorisme des Brigades Rouges, le clinquant des années 80, l'avènement du berlusconisme, il aura tout vécu. Federico Fellini disait de lui « Mettez-le sur un cheval, il ressemblera à un roi ». Pour certains, il fut le dernier roi d'Italie. Notre invité aujourd'hui, Jean-Philippe Leclerc, directeur adjoint de la rédaction du journal L'Équipe, notre partenaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Héloïse Rambert, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. En ce 26 janvier 2003, le parvis de la cathédrale de Turin est noir le monde. Des milliers de personnes s'y sont massées. Et plusieurs Italiens ont fait le déplacement. Des Italiens qui, d'ordinaire, ne se rencontrent pas. Pour un Napolitain, par exemple, Turin, c'est l'étranger. C'est le Nord. Et un peu méprisant. En tout cas, il y a là, sous le ciel bas du Piémont, la classe ouvrière venue des périphéries de la ville, la noblesse des palais baroques, le président du conseil d'alors, Silvio Berlusconi, le président de la République, Carlo Ciampi, des figures du monde industriel et financier, des stars du foot, comme Michel Platini. Mais, enfin, est-ce un chef d'État qu'on enterre ainsi, avec les honneurs militaires? Presque. C'est Gianni Agnelli, le patriarche de l'Empire Fiat et l'ancien président de la Juventus de Turin. Dans la foule, interrogé par la RAI, la télévision publique italienne, l'émotion et l'affection sont palpables. Non, non, parole. J'ai pas les mots. Non, non, parole. Je n'ai pas les mots, je suis un ancien employé, donc... Un très grand homme. On a perdu le père de l'Italie en fait. J'adorais tout ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui a donné du travail et du bien-être à tout le monde. Il nous a donné tellement d'émotions, pas seulement dans le sport, dans la vie quotidienne, et surtout à mes parents. Et bien sûr, la RAI retransmet en direct ses funérailles. Ce même dimanche, avant le début du match contre Piacenza, l'équipe de la Juventus observe une minute de silence en hommage à l'ancien propriétaire du club. Et les autres équipes de football italiennes font de même. Les joueurs de la Juve, victorieux ce jour-là, portent des brassards noirs et les supporters, eux, déploient une banderole d'un bout à l'autre du stade de Turin, banderole sur laquelle on peut lire « Ciao, avocato ». Pour comprendre une telle ferveur, il faut comme souvent réembobiner la copie cassette, soit en l'occurrence plus d'un demi-siècle d'histoire italienne. Déjà, Gianni Agnelli est tout sauf un self-made man à l'américaine. Même s'il y a quelque chose d'un peu yankee chez cette famille Agnelli, cette dynastie turinoise. Gianni, né en 1921, il est le petit-fils de Giovanni Agnelli, cofondateur en 1899 de la Fiat. Fiat, c'est un acronyme. Acronyme de Fabbrica Italiana Automobili Torino, ou en français, Société Automobile Italienne de Turin. Gianni est un enfant impétueux, parfois violent, ce qui ne déplaît pas à son puissant grand-père, mais désole Miss Parker, sa gouvernante anglaise. « N'oubliez jamais que vous êtes des Agnelli », se tutelle à répéter à Gianni et à ses six frères et sœurs. En grand admirateur d'Henry Ford, le grand-père comprend vite que la production de masse est le futur de l'automobile. Il a aussi l'intelligence de diversifier ses activités. Des trains, des avions, des camions. C'est aussi cela, la Fiat, dès le début du XXe siècle. La marque devient le pilier de l'industrie italienne. Dans les années 20, Giovanni Agnelli, le grand-père donc, est nommé sénateur et se rapproche du fascisme. Le régime de Mussolini remplit le carnet de commandes des usines Fiat, avec des voitures bien sûr, mais aussi des armes de guerre. Au début des années 30, le Duce se rend au Lingotto, le site du constructeur italien. Gianni Agnelli, alors âgé de 12 ans, évoque des décennies après l'accueil réservé à Mussolini, froid, sinon glacial. Dans l'entre-deux-guerres, je me souviens plus si c'était en 32 ou en 33, je suis allé voir avec ma famille Mussolini, qui était en visite au Lingotto. Mon grand-père était sur une estrade. Je me souviens que lui et les dirigeants de la Fiat l'ont reçu en smoking. Je veux dire, en tout cas, pas en chemise noire. Et les dirigeants de la Fiat lo ricevettero in tight, cioè non in camicia nera. Mussolini a fait un discours retentissant qui nous a fait de l'effet, à nous qui étions jeunes. Mais il a été reçu avec beaucoup, beaucoup de froideur. Les relations entre la Fiat et le fascisme semblent cependant s'être réchauffées. En 1939, le second site de la Fiat, Mirafiori, voit le jour. Giovanni Agnelli l'inaugure cette fois en chemise noire et dans son discours, il salue Mussolini, le libérateur et le reconstructeur. En 1935, alors que Gianni est âgé de 14 ans, son père Eduardo Agnelli meurt décapité par une hélice de son hydravion. Première tragédie au sein du clan. Sa mère, Virginia Bourbon del Monte, une extravagante princesse italo-américaine, meurt, elle, 10 ans plus tard, étranglée par son propre foulard dans un accident de voiture. Gianni est le premier garçon de la fratrie. Son grand-père ambitionne de faire de lui son héritier. Il le prend sous son aile et l'expédie en 1938 aux États-Unis, histoire qu'il voit le nouveau monde, histoire d'en prendre de la graine. New York, Los Angeles et surtout Détroit, bien sûr. Les USA sont alors à la pointe de l'industrie en général et du secteur automobile en particulier. Mais l'entrée en guerre de l'Italie porte le jeune Agnelli aux antipodes. En Russie, puis, beaucoup plus près, en Tunisie, dans les armées mussoliniennes. Et à partir de septembre 1943, dans les rangs des forces italiennes combattant aux côtés des Alliés. L'après-guerre a un goût particulièrement amer pour les Agnelli. Giovanni, le grand-père, est accusé de collaboration. Le Comité de Libération Nationale, une organisation politique et militaire composée des principaux partis et mouvements antifascistes du pays, ne lui pardonne pas sa familiarité avec le Duce et ses affaires avec le régime. En 1945, il meurt sans avoir pu remettre un pied à l'usine et dans l'indifférence générale d'une ville durement touchée par la guerre. Ce manque de reconnaissance reste une blessure pour son petit-fils, comme il explique à la télé en 1988. En décembre 1945, on a enterré mon grand-père. Turin était en ruine, bombardée. Ses usines étaient en ruine et bombardées. Je me souviens qu'en partant de Turin vers Villa Perosa, les funérailles ont fait une halte devant le site de Mirafiori. Je n'ai pas compté, mais nous étions quelques dizaines de personnes seulement en pensant à tout ce qu'il avait fait dans sa vie. J'ai ressenti une tristesse énorme. Les usines sont en ruine. Le nom des Agnelli est éclaboussé par le déshonneur. L'étoile de la Fiat ne brille plus dans le ciel de Turin. Pire, les Alliés voudraient la confisquer, inquiets de la montée du communisme en Europe en général et en Italie en particulier. Gianni Agnelli doit déployer tout son charme pour les convaincre que la marque est un pur produit italien, turinois même, mais qu'elle doit le rester. Et il obtient gain de cause, même si ce n'est pas lui qui reprend les rênes de l'entreprise. Non, c'est Vittorio Paletta, le bras droit d'Agnelli, surnommé le professeur, qui a consacré toute sa vie à l'entreprise. À la Fiat, comme chez les princes de Savoie, il n'y a qu'un dirigeant. En juillet 1946, Paletta force donc le jeune Gianni à faire un choix. dirige lui-même l'entreprise ou en délégue la gestion. Il y a deux possibilités. Soit tu es le président, soit je le serai, lui dit-il. Eh bien, faites-le, professeur, lui répond Agnelli. Le professeur, il professore, est l'homme de la situation. Les affaires reprennent. Au début des années 50, la Fiat affiche un chiffre d'affaires de 15 milliards de lire par an. Gianni Agnelli est l'homme le plus riche du pays, sans prendre la moindre décision. Prends donc du bon temps. Quand il sera temps pour toi de reprendre la Fiat, je te la céderai, lui assure Valletta au moment de sa prise de responsabilité. Et Agnelli ne va pas gêner. À la sortie de la guerre, l'héritier n'aspire qu'à une chose, profiter de la vie, faire la fête, fréquenter les casinos, courtiser les plus belles femmes, conduire des voitures de sport pied au plancher. Il entame une véritable carrière de jet-setter international. Sa base, la Côte d'Azur, où il fait l'acquisition de la villa Leopolda, une bâtisse de 28 pièces, à pic sur la mer, plus un yacht et un avion personnel. Agnelli est toujours en mouvement, mu par un insatiable appétit pour la vie, qui la belle. Ce qui n'est pas forcément le cas de son entourage. Marina Branca, une amie de la famille, a fait les frais de cette vie à 100 à l'heure, comme elle le raconte en 2017, non sans humour. Il y a une wonderful new Ferrari, métallisée. Il avait une incroyable Ferrari, métallisée, verte, bellissima, magnifique, à couper le souffle. Il m'a dit... Tu viens ? Alors, non, résisté. Je n'ai pas résisté. J'ai accepté. Stupid. I always try not to. Quel idiote. On a traversé Nice à une vitesse incroyable. Bien sûr, on a été arrêtés par les gendarmes. Ils lui ont dit, mais avocato, vous pensez que vous pouvez venir dans nos rues avec cette Ferrari ? Comment voulez-vous qu'on ne vous arrête pas ? Et puis à part, ils l'ont dit. On aimerait bien la voir. Gianni avait une telle allure, un tel charme. Alors lui, très poliment, il s'est levé et il leur a fait voir l'intérieur qui était tout en cuir rouge. Beau, mince, bronzé, élégant, glamour, Agnelli séduit, actrice et jet-setteuse. Il noue aussi des amitiés internationales avec le gratin et lave en quelque sorte le nom des Agnelli. Dans son carnet d'adresses, le banquier David Rockefeller côtoie le futur président des États-Unis, John Kennedy. Il se lie aussi étroitement avec Pamela Harriman, l'ex-belle-fille de William Churchill. Elle devient son laissez-passer pour l'aristocratie anglaise. En 1953, après un grave accident de la route, le Playboy se range des voitures. Il épouse Marella Caracciolo di Castagnetto, une princesse, fille d'une diplomate issue de la noblesse napolitaine et d'une américaine. Le mariage fait la une de Vogue. Et ensemble, ils deviennent l'un des couples les plus en vue du moment. Des influenceurs avant l'heure. Leurs intérieurs sont copiés, leurs looks scrutés. Quoi de plus chic, par exemple, que de porter la cravate courte ou sa montre sur sa chemise, comme Agnelli. À la fin des années 50, il plane un parfum de Dolce Vita et d'euphorie sur toute l'Italie. Ce sont les années du miracle économique. La croissance s'envole, même si le chômage de masse persiste. Un journaliste qui lui demande s'il est optimiste, Vittorio Valletta répond tout sourire qu'on ne peut pas être italien et ne pas être optimiste. Un italien pessimiste, c'est peut-être un italien qui n'a pas bien regardé les possibilités de notre pays. Ce à quoi Jean Cocteau, dont le mémorial est installé à Menton entre France et Italie, aurait pu répondre « Un italien, c'est un français de bonne humeur ». En tout cas, et au-delà de ces clichés sympathiques, il y a de quoi se réjouir. Vittorio Valletta, il a su parfaitement négocier le virage du boom. Les Fiat 600 et surtout les nouvelles Fiat 500 embouteillent les rues jusqu'à devenir des marqueurs de l'Italie, de son ambiance. C'est l'époque où les stars du cinéma italien posent pour les caméras de télé entre les chaînes de montage des usines turinoises qui tournent à plein et font rayonner l'Italie dans le monde entier. Le Salon de l'Auto en 1956 célèbre avec emphase le Made in Italy. Le Salon de l'Automobile est l'un des grands événements internationaux de l'automobile à Turin. Les drapeaux flottent gaiement au-dessus du bâtiment d'exposition du Valentino. Chaque année, le progrès est toujours plus spectaculaire. Des recherches, du travail pour présenter des modèles qui répondent aux exigences les plus modernes de la technologie et de l'économie. Dans tous les salons internationaux, la production automobile italienne, les usines et les carrossiers mettent à l'honneur la technique et le travail italien. Fiat est toujours présente avec tous ses types de voitures. Et elle peut le faire parce que sa chaîne de montage, celle que vous voyez, ne s'arrête jamais. Fiat 600, 1100, 1004, 1009, dans leurs multiples éditions, ce sont chaque jour des dizaines et des centaines de milliers d'entre elles, dans une polychromie éclatante, qui sortent de cette usine ultramoderne prête à courir sur toutes les routes du monde. Au tournant des années 60, c'est toujours Valletta qui est officiellement aux commandes de la Fiat. Gianni Agnelli siège, lui, au conseil d'administration, mais il est encore cantonné au rôle d'ambassadeur de l'industrie italienne. L'Unità, le journal quotidien du Parti communiste, ne manque pas d'ailleurs de l'épingler dans ses pages. En 1959, un prince mou qui, de ses aînés, n'a hérité que du nom et de la fortune. Voilà comment il est qualifié. Enfin, pour l'instant. Mais il y a un terrain sur lequel Agnelli commande, où il ne craint pas les rivaux, c'est le terrain de foot. Car il est aussi président d'honneur de la Juventus, qui appartient historiquement au clan Agnelli. Pour le foot et l'équipe de Turin au maillot noir et blanc, surnommée la Vecchia Signora, la vieille dame, c'est un amour viscéral depuis que son père l'a emmené au stade à l'âge de 5 ans. L'histoire d'amour sera longue et belle, vécue intensément et parsemée de triomphes. Agnelli en est le président entre 1947 et 1954, mais ensuite, il restera toujours passionnément lié à l'équipe et il maintiendra toujours son influence sur le club. Les Bianconeri, comme le maillot rayé noir et blanc, ce sont des titres de champion d'Italie à la pelle. 4 coupes nationales, une coupe intercontinentale, 11 finales de Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancienne Ligue des champions, dont 2 gagnées, l'une avec Platini, l'autre avec Zidane. 11 finales, 3 coupes de l'UEFA, une super coupe de l'UEFA, soit un total de 23 trophées officiels en 48 ans. Mais en 1966, les choses sérieuses commencent pour l'avocato. Il est temps pour le professeur Valletta de laisser le trône de la Fiat à l'héritier naturel. Étant donné mon âge, étant donné la nécessité de préparer de mon vivant une solution qui assure l'avenir de la Fiat, l'avocato Agnelli est nommé président du conseil d'administration. La nomination d'Agnelli ne passionne pas les foules. Après tout, à 45 ans, il est surtout distingué dans les potins mondains et il ne s'intéresse aux voitures que pour les conduire, dit-on. Et trop vite, en plus. Bref, personne ne le prend au sérieux. Ça va vite changer. La direction héritée de Valletta est archaïque, sclérosée. Alors, Agnelli ouvre grand les fenêtres, décloisonne les services, à l'américaine. Il appelle ses frères à ses côtés et il délègue. Surtout, il mise tout sur l'image et la communication en se réservant la stratégie, les contacts et les grandes négociations. Au milieu des années 60, 40 constructeurs automobiles se partagent le marché européen. Il n'en restera qu'une poignée. Gianni Agnelli le sait et il veut en être. Il faut grossir et vite. En 68, la Fiat jette d'abord son dévolu sur Citroën. Perspective qui fait s'étrangler le général de Gaulle. Quoi ? Sa déesse passait sous pavillon italien ? Jamais ! Trouvez-moi une solution nationale, implore-t-il. La fusion franco-italienne ne se fait donc pas. Qu'importe, l'appétit d'Agnelli est satisfait, la Fiat prend le contrôle de Ferrari et rachète Lancia. En 1969, l'avocato fait la une du Times avec ces mots « un héros italien ». Et pour cause, la Fiat est devenue le premier constructeur automobile européen, le quatrième mondial après General Motors, Ford et Chrysler. Le désordre, pourtant, est aux portes des usines. Nel più bel sogno ci sei solamente tu. Sei come un'ombra che non tornerà mai più. Storia di un... siamo alla fine di un amore, soffrirà soltanto un cuore, mentre l'altro se ne andrà. Ora che sto pensando ai miei domani, sono bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore. Nel più bel sogno ci sei solamente tu. Sei come un'ombra che non tornerà mai più. Questa canzone vola per il cielo, le sue note nel mio cuore stan segnando il mio dolore. Sto pensando ai miei domani, son bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore. Questa canzone vola per il cielo, le sue note nel mio cuore stan segnando il mio dolore. Aujourd'hui, Gianni Agnelli. France Inter. Affaires sensibles. Les événements de mai 68 en France font tache d'huile. L'année suivante, les mouvements étudiants et ouvriers prennent de l'ampleur en Italie. La révolte générale touche les usines et en premier lieu la Fiat. À Turin. Dans les cortèges des manifestations, on peut lire sur des pancartes « Fiat suceuse de sang ». Et le slogan le plus scandé peut-être « Agnelli Pirelli, ladri gemelli ». Agnelli Pirelli, jumeau menteur. Le 25 avril 1969, une bombe explose sur un stand de la Fiat à la foire de Milan. Bilan, 5 blessés. Presque personne ne comprend alors que c'est le début des années de plomb et du terrorisme d'extrême gauche comme d'extrême droite. Mais Gianni Agnelli est l'un de ceux qui le pressentent. Il décide d'ailleurs et immédiatement de mettre ses deux enfants à l'abri et de les envoyer étudier à l'étranger. Eduardo aux États-Unis et Margarita en Angleterre. À la fin de l'année 69, la contestation laisse place aux grèves. C'est l'automne chaud italien. La Fiat est encore une fois la première concernée, même si elle est connue pour offrir des conditions de travail parmi les meilleures d'Europe. La rébellion progresse dans la plus grande usine d'Italie. Le travail est exténuant, les salaires trop bas. Agnelli parle fort, mais il devient tout petit quand les ouvriers s'unissent et réussissent à combattre ensemble. Le pays s'enfonce dans des troubles sociaux graves pour toute la décennie 70. Confronté aux grèves, Agnelli cherche l'apaisement avec les syndicats. Devenu le patron des patrons italiens en 1974, il opte aussi pour cette ligne, celle d'un patronat éclairé et ouvert à la discussion. En 1975, il signe un pacte social historique avec le leader syndical Luciano Lama. Les entreprises et les syndicats décident que pour chaque point de croissance du coût de la vie, une augmentation correspondante des salaires est automatiquement déclenchée. L'objectif est de juguler l'inflation. L'accord provoque surtout une stagnation des salaires et il sera durement critiqué. Entre Agnelli et la classe ouvrière, c'est un mélange d'amour et de défiance. Il est la figure du grand capital italien, certes, mais il est aussi le boss de la Juve. D'ailleurs, le calcio, le football italien, est surtout un phénomène nordiste lié au développement industriel et à l'urbanisation, ce qui est vrai aujourd'hui encore. À part Naples cette année, les grands clubs de foot sont au nord. À Turin, il y a un véritable clivage social et géographique entre l'AC Torino, soutenu par les vieux Turinois de souche, et la Juventus, étroitement liée à la Fiat. Les supporters de la Juve se recrutent directement dans les rangs des ouvriers montés à Turin depuis le sud de l'Italie pour travailler dans les usines d'Agnelli. en faisant l'acquisition à grands frais de stars internationales comme Platini, Boniek, Brady, de manière à préserver son image de marque d'équipe vedette. Gianni Agnelli fournit une sorte de compensation aux travailleurs méridionaux qui forment le gros du bataillon des équipes de la Fiat. Devant les médias, l'Avvocato joue largement la carte de l'investissement dans le club pour le peuple. À Turin, la Juventus, l'équipe de foot de la ville, est une des meilleures équipes italiennes. Et une des responsabilités, quand on est un Agnelli, c'est de faire gagner la Juventus. Lui, c'est notre homme le plus cher. Cet homme coûte 1 million de dollars. Je ne sais pas s'il les vaut, mais c'est ce qu'il coûte à l'équipe. Ça doit être une responsabilité terrible pour lui. Mais c'est important pour vous, non ? J'aime ça. Et ça signifie beaucoup pour la ville et pour l'Italie. Durant la semaine, les ouvriers communistes de la Fiat affrontent le patron Agnelli et le dimanche, au stade, ils sont de son côté. D'ailleurs, hors de l'usine, où qu'il aille, il est interpellé par des avvocato enjoués ou des cris de supporters de la Juve. La fin des années 70 est cependant particulièrement tendue. Dans les grandes entreprises, la contestation continue. Des grèves, des sabotages rendent la production ingérable. De 77 à 79, le terrorisme s'intensifie. Journalistes, politiques et industriels sont séquestrés, jambisés, c'est-à-dire gravement blessés aux jambes, ou assassinés par les Brigades Rouges et d'autres groupes révolutionnaires armés. Le summum de la violence est atteint en 1978 avec l'assassinat d'Aldo Moro, le président de la démocratie chrétienne. Le terrorisme noyote les usines par le biais des syndicats. La Fiat est en permanence dans son viseur et ses managers sont des cibles prioritaires, bien sûr. Les cadres travaillent désormais dans des hôtels de la banlieue de Turin pour échapper à la menace. Agnelli est tout en haut de la liste des hommes à abattre, évidemment. Et il ne peut plus passer 2 heures au même endroit sans se mettre en danger. Il doit donc quitter son immense villa piémontaise, impossible à sécuriser, pour un luxueux appartement en plein centre de Rome, face au Quirinale, le palais présidentiel. Agnelli ne cache pas son inquiétude à la télé française devant la situation politique italienne. À côté du cadavre de M. Moro, il y a le cadavre de la Première République italienne. Nous sommes dans une situation d'émergence. L'émergence économique et l'émergence politique. Presque obligé de parler en termes de guerre. Oui, c'est une guerre, oui, c'est une guerre. Dans cette guerre, dans ce drame italien, Agnelli veut montrer au monde qu'il est en première ligne. Contrairement à de nombreux industriels turinois et milanais qui comptent, il se refuse, lui, à quitter le pays. Alberto Bruni Tedeschi, le père de Valeria Bruni Tedeschi et de Carla Bruni, qui a fait fortune dans les pneumatiques par exemple, se réfugie en France avec sa famille. Agnelli, lui, reste fidèle à Turin et à son tempérament. Il continue à conduire sa propre voiture, une Fiat bien sûr, mais avec un moteur de Ferrari, et il change tous les jours ses itinéraires pour se rendre à son bureau. Et il n'hésite pas à semer les voitures de son escorte. Les Brigades Rouges n'auront jamais la peau de Gianni Agnelli. Mais la Fiat paie un lourd tribut au terrorisme. En 5 ans, 27 directeurs sont blessés, 4 sont tués. Carlo Gugliendo est l'un de ces martyrs. À l'évocation de son meurtre, même 40 ans après les faits, Carlo Calieri, un ancien cadre de la Fiat, ne peut retenir ses larmes. L'objectif ultime, c'était la destruction de l'État. Et dans cet État, la Fiat avait un rôle symbolique absolument majeur. Brigate Rosse, l'assassino di Carlo Guglielmo, perché? Essendo Carlo Guglielmo, il direttore. Les Brigades Rouges ont assassiné Carlo Guglielmo. Parce qu'il était Carlo Guglielmo, le directeur de la logistique. Elles ont retenu que ce poste était austère et technique, mais avec un rôle politique déterminant. C'était une personne gentille et douce, abattue dans la rue comme un chien. Turin était devenue une ville invivable. On les a appelés les années de plomb, pas seulement parce qu'ils tiraient, mais parce que l'atmosphère était pesante. L'atmosphère era molto pesante. Très pesante. Molto pesante. Gianni Agnelli fait le choix de la fermeté contre un syndicalisme violent. Depuis 1974, un personnage clé est à ses côtés. L'avocato n'a écarté son frère que pour embaucher un redoutable manager surnommé Il Duro, le dur, qui exécute les sales besognes. En 1979, 61 ouvriers de la Fiat soupçonnés de terrorisme sont licenciés. L'année suivante, en 1980, le bras de fer avec les syndicats est à son comble. 9 millions d'heures de travail sont perdues pour fait de grève. Le point culminant de la tension est atteint avec un débrayage de 35 jours et la fermeture totale du site de Mirafiori. Une réaction inédite se produit alors. Le 14 octobre, des dizaines de milliers d'employés de col blanc de la Fiat défilent dans les rues de Turin pour réclamer la réouverture des usines au nom du droit au travail. C'est la marche des 40 000. Et les grévistes s'inclinent. Une longue lutte syndicale et politique et une période sanglante de l'histoire de la botte se terminent. Agnelli évoque lui-même une page qui se tourne lors d'une conférence de presse. Je ne peux pas vous dire que la mer qui nous entoure n'est plus houleuse, mais cela ne nous empêche pas de tracer notre route. Nous savons où nous sommes et nous savons où nous voulons aller. Les moments les plus difficiles sont derrière nous. I momenti più duri sono passati. Oui, mais pas sans conséquence. Dans les années 70, les ventes de voitures s'écroulent. La Fiat est obligée de faire appel au pétrodollar de la Libye de Kadhafi et de se diversifier. Durant 30 ans, l'IFI, la holding familiale Agnelli, va placer ses pions partout. Dans les loisirs, la grande distribution, le ciment, l'édition, l'agroalimentaire ou encore les assurances et la banque. La Fiat entre dans les années 80 en faisant rugir le moteur. La marque renoue avec le succès et la prospérité. Gianni Agnelli devient alors pour le pays une sorte de figure unificatrice. La décennie suivante est celle de la fin de règne. En 1991, il est nommé sénateur à vie. Le sourire enjôleur est toujours là, mais l'énergie n'y est plus. L'âge est en cause, bien sûr, mais surtout un cancer de la prostate qui le ronge. Alors vient le temps de répondre à une question qui taraude toute l'Italie. Qui va succéder au roi? Le frère Umberto est hors course. Le neveu chéri, Giannino, lui est taillé pour la fonction. Mais en 1997, à 32 ans, il est emporté en quelques mois par un cancer de l'estomac. C'est finalement son petit-fils, le fils de sa fille Margherita, que Gianni Agnelli choisit et fait entrer au conseil d'administration de la Fiat en 1998. À aucun moment, Gianni n'envisage de laisser les clés du château à son fils Eduardo. Il n'a pas les épaules. Depuis l'enfance, il se sent écrasé par son patronyme et son héritage. C'est un garçon fragile, un intellectuel rêveur avec des problèmes de drogue, repoussé par le monde des affaires. Et au fond, méprisé par son père, qui lui reproche son manque de courage. En 2000, le malheur frappe encore la dynastie Agnelli. Nombreux sont les Italiens qui surnomment ce viaduc le pont des suicidés. Cette fois, 80 mètres en contrebas, c'est le cadavre d'Eduardo Agnelli, fils du président d'honneur de Fiat, Giovanni, qui a été retrouvé hier matin. Âgé de 46 ans, Eduardo s'est probablement donné la mort. Une autopsie du corps doit confirmer cette hypothèse. Son père, le patriarche, est venu sur place reconnaître le corps de son fils. La mort de son fils affaiblit considérablement l'avocato. L'héritier flamboyant, le playboy magnifique, le capitaine d'industrie doué, a fait rêver bien au-delà des frontières italiennes pendant 50 ans. Il devient l'ombre de lui-même. Pendant des décennies, il a épousé l'histoire de l'Italie. Au début des années 2000, en plein dans les années Berlusconi, en proie au déclin économique et à une perte d'influence, le pays lui aussi a un peu perdu de sa superbe. Gianni Agnelli s'éteint le 24 janvier 2003 alors que la Fiat traverse une des pires crises de son histoire. Mais il a réussi son pari. Il a su développer la firme familiale qui, malgré les alliances, est toujours gérée par les Agnelli. Il est surtout devenu une figure quasi mythologique de l'Italie. Di malattia o di terrore, di sete o di fame o di depressione. ipocondria o di delusione. Di odio sociale, di rassegnazione o di religione. Per troppa prudenza o poca attenzione, di libertà o di reclusione, di missili in guerra, di male d'amore o un colpo di sole. Spoglie. Nessuno sa che cosa accadrà. Soffia vento freddo sopra i nostri giorni e dietro le porte armati di sogni, aspettando che torni. La nostra vita. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, portrait d'un Italien, pas n'importe quel Italien, Gianni Agnelli, dont nous allons parler avec notre invité Jean-Philippe Leclerc. Bonjour. Bonjour. Vous avez longuement interviewé Gianni Agnelli. Vous êtes rédacteur en chef de, adjoint de journal L'Équipe, notre partenaire, hein, une fois par mois. Et alors, j'ai en main un article que vous avez vous-même écrit en 1997, un beau portrait dans L'Équipe magazine de Gianni Agnelli, titré « L'éternel amant de la vieille dame ». Vous écriviez un livre sur Michel Platini, je pense, à l'époque, et c'est pour ça aussi, je pense, que vous avez rencontré le patron de la Juventus, qui aimait beaucoup Platini. On y reviendra. Quel effet vous a-t-il fait? Quel souvenir vous gardez de cet homme? C'était vraiment tout un cérémonial, en fait, de rencontrer Gianni Agnelli. Je me souviens, donc, j'avais rendez-vous au Corso Marconi, au siège historique de la Fiat. Et on était dans l'ambiance dès l'entrée, parce que l'accueil, il y avait une sorte de vitre blindée pour parler à la réceptionniste. Donc, déjà, en souvenir des années de plomb, forcément. Ensuite, il y avait un conseiller communication qui venait vous voir, qui m'avait posé des questions, où j'en étais de mon livre, etc. Et puis ensuite, c'était la secrétaire historique, une vieille dame de Gianni Agnelli, qui m'avait emmené jusqu'au 8e étage, jusqu'au bureau de Gianni Agnelli. Et c'était un bureau immense, pas un terrain de football, mais pas loin d'un terrain de tennis. Et lui, il était absolument tout au bout de la pièce, derrière son bureau. Et vraiment, ce qui m'avait frappé d'emblée, c'était il avait un physique très impressionnant. Il avait une peau parcheminée. Il avait 76 ans déjà, c'était 6 ans avant sa mort, donc parcheminée, un peu cireuse. En fait, on n'avait pas l'impression de se rendre à une interview, mais plutôt à une audience. Mmh. Il avait vraiment ce côté très, le roi d'Italie, comme vous l'avez surnommé. Et puis quand il a commencé à parler, c'était assez drôle, parce qu'en fait, il mélangeait trois langues. Il parlait très très bien français. On l'a entendu tout à l'heure avec un accent un peu onctueux. On l'entendra encore une autre fois là-dedans. En revanche, tous les termes du football venaient de l'anglais. Donc par exemple, il disait pas un centre, mais il disait un cross. C'est bizarre. C'est bizarre parce que les Italiens, justement, s'évertuent à ne pas parler anglais pour le football. Eux, ça s'appelle le calcio. Oui, mais alors lui, c'était il a fait un cross, où c'était un superbe kick, je me souviens, il avait ces expressions-là, et il ne parlait italien que pour les jurons. Et là, je ne vais pas... Voilà. Et donc, quand il poussait des jurons assez vulgaires, c'était en italien. Donc, c'était un mélange de trois langues, et pour être tout à fait honnête, il y avait... c'était pas la peine de lui poser beaucoup de questions pour qu'il fasse des réponses assez longues. Un bon client, quoi. Oui, c'était un très bon client. Surtout que c'était vraiment, c'était exceptionnel parce que il aimait pas beaucoup les entretiens en tête à tête comme ça avec les journalistes. En fait, il aimait bien parler au téléphone avec les journalistes, souvent très tôt le matin. Il les appelait des fois à 6h30 quand il avait quelque chose à dire sur la Juve. Ou alors, il aimait bien aussi s'exprimer à la sortie des matchs ou à la mi-temps. Il lançait des petites phrases, en fait. Et par exemple, une fois, il y en a une qui était restée célèbre. C'était en janvier 83. Ça allait pas du tout pour la Juve. Ils avaient fait match nul 1-1 contre la Sampdoria. Et il était, alors, les gens l'interpellaient comme ça. Ils disaient, alors, avocato, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Et il avait dit, je ne viens pas au stade pour voir jouer Furino en meneur de jeu. Et Furino, c'était un milieu de terrain assez besogneux. Et du coup, toute l'Italie s'était emparée de cette petite phrase. Et les dirigeants de la Juve, et l'entraîneur en particulier. Et c'est cette petite phrase qui a fait que le match suivant, Platini, qui était jusque-là dans un rôle un peu obscur au milieu de terrain, avec son talent était en partie gâché, s'est retrouvé enfin à son poste de numéro 10 sur une petite phrase comme ça de Gianni Agnelli. Et on connaît la suite, glorieuse. Si Agnelli vous a reçu, c'est probablement parce que vous veniez lui parler de Platini. Oui, alors pour deux raisons. Pour Platini, parce qu'il avait plaisir à parler de Michel Platini, il savait que je lui avais dit que j'écrivais un livre sur Michel Platini, mais pour l'équipe aussi, parce que en fait, quand il a voulu acheter Michel Platini, il est passé par un journaliste de l'équipe, Edouard Sedler, un grand ancien de la maison, et donc Gianni Agnelli avait vu un France-Italie amical au Parc des Princes où les Français avaient gagné 2-0, Platini avait été étincelant, et quelques jours après, Edouard Sedler l'avait interviewé, et il l'avait rappelé en lui disant, mais est-ce que vous auriez, j'ai vu ce Platini là, est-ce que vous auriez un contact, un moyen d'entrer en contact avec lui? Et c'est comme ça que c'est parti. Et en fait, le choix de Platini, c'était vraiment un choix d'Agnelli contre le reste des dirigeants de la Juve. Ouais. Vraiment, ça a été son choix. Et du coup, quand Platini est devenu l'un des, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire de la Juve, tout le crédit est allé vers Gianni Agnelli. Et c'est pour ça qu'il l'adorait aussi, parce qu'il l'avait vraiment imposé contre les dirigeants de l'époque, en particulier Giampiero Boniperti, pour qui Platini était... un artiste, et il n'aimait pas beaucoup les artistes, Boniperti. Et Platini va devenir le meilleur joueur du monde. 3 ballons d'or. Rendez-vous compte ce que c'est, 3 ballons d'or. Donc Agnelli, il adore, le mot n'est pas trop fort, il en fait presque un fils naturel. D'ailleurs, pour la télé, dans un charmant jeu de rôle, Platini interviewe Gianni Agnelli dans une séquence qui fleure bon bonheur, une Juve flamboyante, un jeune footballeur en pleine ascension. Extrait. Nous nous trouvons devant Liffy. Liffy est un peu le coffre-fort de la famille Agnelli, qui peut contrôler des voitures, qui peut contrôler des assurances. Et comme un cheveu sur la soupe arrive la Juventus. J'ai mis mon habit de grand reporter pour aller interviewer l'avocato en italien, c'est M. Agnelli. Avocato, que représente la Juventus sentimentalement pour vous? Enfin, la Juventus est dans les intérêts et dans les passions de notre famille depuis entre les deux guerres, les années 20, les années 30. Elle a eu énormément de succès entre les deux guerres et encore énormément de succès après la guerre. Et pour moi, ça représente beaucoup. Et au point de vue business? Alors, au point de vue business, c'est bien autre chose. Au point de vue business, je n'ose pas regarder ce que ça représente parce que j'aurais honte comme homme d'affaires si je devais en parler comme d'une affaire. Pourquoi il y a beaucoup de joueurs étrangers qui viennent en Italie? Pourquoi le football italien n'est pas en crise alors que tous les championnats européens sont en crise? Alors, le football italien n'est pas en crise parce que les Italiens aiment beaucoup le football, il y a toujours eu beaucoup de passion. On a gagné les derniers championnats du monde, on a un championnat plein de champions. Mais à qui appartient le football en Italie? Appartient au président, il appartient aux joueurs? Non, le football appartient au public, à la presse et à la télévision. Et pas aux joueurs? Peut-être ils le croient, mais ils sont en erreur. Sympa, non? Oui, c'était exactement cette voix qui me revient dans l'oreille, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et alors, il dit, Platini pose une bonne question, je ne sais pas si c'est Bernard Père qui lui a proposé les questions, enfin c'est une bonne interview, il lui dit, mais les clubs, les footballs européens sont un peu en crise, l'Italie non. C'était le bon temps, hein, parce que c'est plus tout à fait le cas. Alors, on va pas dire que l'Italie est en déclin. Je rappelle quand même que les Italiens sont champions d'Europe en titre. C'est pas rien. Mais enfin, les clubs, ça rame, quoi. En Coupe d'Europe, ça rame, franchement. Effectivement, à l'époque, c'était le championnat numéro un, de loin, hein, devant le championnat. Les grands joueurs y allaient devant, tous, quasiment. Ils y étaient tous. C'était l'époque bénie des Platini, Maradona à Naples, Zico à l'Udinese. Là, aujourd'hui, c'est le quatrième championnat, loin derrière l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne. Il y a eu un certain nombre de tournants. Je pense que, par exemple, au niveau des infrastructures, les stades italiens sont... Enfin, la plupart des grands stades italiens sont dans un sale état. Certains n'ont pas été refaits depuis la Coupe du Monde de 90. C'est vrai que la Juve en est un bon exemple, puisqu'ils ont été rattrapés par un autre scandale. Donc avec, ils ont été très récemment punis, ils ont eu une pénalité de 15 points, de moins 15 points pour avoir un peu arrangé leur compte. Andrea Agnelli, donc le neveu de Gianni Agnelli, lui-même a été exclu pendant 2 ans. Donc c'est sûr que c'est pas l'heure la plus glorieuse du football italien, en particulier au niveau de ces clubs. Il y a aussi peut-être un autre problème dans les difficultés structurelles du football italien en club, c'est l'achat de joueurs étrangers, notamment la période Berlusconi et Milan AC. À force de faire jouer beaucoup de joueurs étrangers, de ne pas former, moins former de joueurs nationaux, ça finit par créer un problème. Oui, bien sûr, c'est un problème auquel on est aussi confronté en France, où en fait nos meilleurs jeunes partent très vite vers les championnats étrangers, donc nos meilleurs clubs ne peuvent pas les garder, mais l'Italie a même du mal à former des jeunes aujourd'hui. Et ils commencent d'ailleurs à s'inspirer du modèle français, donc effectivement, si Gianni Agnelli était encore vivant, je suis sûr qu'il serait assez catastrophé de l'état dans lequel se trouve sa chère Juve, et au-delà de ça, de l'état dans lequel se trouve le football italien, avec juste cette parenthèse enchantée de la dernière victoire au championnat d'Europe. Sa Juve qui rencontre Nantes ce soir. Alors, c'est pas tout à fait hasard si on fait cette émission aujourd'hui, donc en Ligue Europa. Avant, c'est amusant quand même parce que la Juve n'est pas très forte en ce moment, mais on entend les commentateurs dire que pour Nantes, c'est un grand événement parce que recevoir le maillot bianconero, ça reste, c'est ça le prestige d'un club. Même quand il est pas très fort, il reste prestigieux. Oui, la Juve. Il fait peur. La Juve reste la Juve. Oui. Et les clubs français n'ont pas trop l'habitude de faire des bons résultats contre la Juve. Et à part, je crois, Lyon les avait éliminés en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, le PSG a gagné aussi. Mais si on prend l'ensemble des statistiques pour les autres clubs, ça a rarement été une grande réussite. On se retrouve en quelques minutes, Jean-Philippe Leclerc, après avoir écouté L'Homme pâle, Decrescendo. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'il le ressente. Je veux le voir. Et j'irai jusqu'à en avoir le pull taché de sang. Jusqu'à la bave et les sanglots. Je parlerai comme un Italien avec les mains. Et j'aurai enfin plus aucun secret à dire. Sculpture au marteau, peinture au couteau. Je me suis jamais senti autant créatif. Demain j'irai graver mon deuil sur sa peau. Et ma balance affichera 10 kilos de moins. Increvable colère, je suis pas désolé. Il est mort le soleil. Mon Dieu qu'elle me manque. Tout s'éteint des crescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt. Et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, quel manque. Tout s'éteint des crescendo. Bientôt plus rien à perdre. Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Oh, je veux qu'il le ressente. Je recherche le bruit comme une drogue. Dans le silence, ma mémoire joue les pires mélodies. J'essaye d'éjecter le disque. Oh, mais ça repart et mes molaires font des étincelles. Je déraillais la seule qui pourrait m'aider, c'est elle. Quelle ironie. Ah ouais, quelle ironie. Ok, si je suis resté à fixer les aiguilles jusqu'à la fin de la nuit, c'était pas pour voir si l'horloge marchait. Plus je m'interviewe, moins je sais qui je suis. Juste cette fille-là, c'est tout ce que je demande. Je ne saurais que faire du reste du monde. Je l'ai désiré perdument. Et maintenant je me sens tellement perdu. Mon Dieu qu'elle me manque. Tout s'éteint des crescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt. Et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu qu'elle manque. Tout c'est un décrescendo. Bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Mon Dieu, qu'elle me manque. Tout c'est un décrescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt, c'est sûr, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, qu'elle manque. Tout c'est un décrescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Jean-Philippe Leclerc, notre invité, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la rédaction du journal L'Équipe. Quand vous avez rencontré Agnelli, bon, vous avez préparé votre dossier, vous saviez à quel point il était important pour l'Italie. Est-ce qu'il vous a donné l'impression d'être cette espèce d'homme Italie à lui tout seul? Alors, je dirais que pour moi, les Agnelli, c'est un mélange entre la dynastie Kennedy et la famille royale anglaise. C'est-à-dire que c'est pas mal comme image. L'Italie n'a plus de roi depuis 1946, je crois. Elle a des premiers ministres qui défilent à une vitesse assez incroyable. Elle a des présidents de la République qui n'ont pas beaucoup de pouvoir. Mmh. Donc, elle a assez peu en fait de figures comme ça, un peu d'incarnation. Et la famille Agnelli, de par son prestige, de par son pouvoir, de par ses drames aussi, incarne un peu ça. Et donc, c'est toujours cette idée. Et c'est vrai que de succession, de dynastie, et c'est vrai que parmi tous les Agnelli, c'est sûrement Gianni qui est le plus flamboyant. Oui, c'est pas Andrea, c'est sûr. C'est pas Andrea, c'était pas son frère Umberto non plus. Son père est mort, vous l'avez dit, assez jeune, décapité par une hélice d'avion. Son grand-père a quand même un peu fricoté avec Mussolini. Donc, c'est vrai que la grande figure, le John Kennedy de l'Italie, c'est Gianni. Ouais. Alors, Platini était un garçon sympathique quand il était jeune footballeur, plutôt avenant. Mais ça n'explique pas tout. Pourquoi il était le petit préféré d'Agnelli? Déjà parce que je pense que Agnelli, c'est une façon pour Agnelli de remercier Platini d'avoir changé la Juve. C'était une équipe qui, jusque-là, était une équipe qui jouait un peu à l'allemande, comme on dit. Et c'est vraiment Platini qui lui a amené cette fantaisie. Et quand on posait la question à Agnelli, quelle est la chose que vous préférez dans la vie, il disait voir jouer Platini. Mmh. Parce qu'il y avait une forme d'enchantement. Et puis, moi, ce qui m'avait marqué quand je l'avais interviewé, Gianni Agnelli, c'est effectivement, je l'avais beaucoup interrogé sur ses liens avec Platini. Il m'avait dit une chose, il se souvenait, il disait, il emmenait sa fille tous les matins lui-même à l'école. Et c'était quelque chose qui l'avait marqué. Et on sentait une forme de regret par rapport, lui, à ce qui a été le grand échec de sa vie, qui a été ses enfants, oui. et en particulier Eduardo, qui s'est suicidé, et qui avait un an et deux mois, je crois, de différence avec Michel Platini. Donc il y avait aussi un peu ce lien quasi filial entre Agnelli et Platini. Et on disait que Platini pouvait être le fils que Agnelli aurait voulu aimer avoir. En tout cas, plus sûrement, Platini était le joueur que Agnelli aurait aimé être. Ça, c'est sûr et certain. Une petite précision. Juventus vient du latin Juventus, qui veut dire jeunesse. Et en même temps, le surnom de la Juve, c'est la Vecchia Signora, la vieille dame. Donc, c'est une vieille dame jeune. Voilà. On va parler un peu actu. Vous êtes journaliste sportif, même si vous n'avez pas toujours été journaliste sportif. On va parler du PSG parce que c'est l'actu. Je vous pose la question toute simple. Manifestement, le PSG est enterré avant même d'avoir joué le match retour. Est-ce que c'est bien de s'accrocher à ce dernier quart d'heure, quand on a vu un PSG transformé par l'arrivée de cet extraterrestre qui est Mbappé? Est-ce que c'est bien de s'accrocher à ça? Est-ce que c'est un vrai espoir pour le match retour? Je pense que il y a au moins une certitude, c'est que le PSG ne sera pas hanté par les démons et les fantômes de la remontada, puisque d'habitude ils font un très bon match aller et ils ont tendance à couler au match retour. Là, ils ont fait un mauvais match aller, donc on peut espérer que c'est eux qui vont remontader, si vous me permettez l'expression, et qui vont réaliser l'exploit au retour. C'est vrai que sur ce qu'on a vu au match aller, ça laisse quand même assez peu d'espoir. Je pense qu'il faut pas surinterpréter ce dernier quart d'heure. Et le PSG était à domicile, était mené, il était quand même assez normal qu'ils aient la possession et qu'ils se créent des occasions. Mais voilà, tout va dépendre beaucoup de la gestion du cas Mbappé, et puis aussi peut-être d'une forme d'orgueil, peut-être, de Lionel Messi et de Neymar, qui ont vraiment, qui se traînent depuis la Coupe du Monde. Oui, sauf qu'en face, il y a le Bayern de Munich, chez lui. Alors on a beau faire tout ce qu'on veut. Est-ce que vous avez trouvé le Bayern de Munich vraiment fringant, pour autant? Pas forcément, hein. Solide, mais pas forcément fringant. Non, c'est pas le meilleur Bayern Munich qu'on ait vu ces derniers temps, mais ça a quand même suffi pour largement dominer cette première partie. C'est bon qu'on puisse dire. Ce sera le dernier mot, Jean-Philippe Leclerc. Merci infiniment, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui, Agnelli, figure de l'Italie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. La technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.